Bienvenue à tous au cours numéro 6 de notre série sur Nouvelle Terre avec l'auteur Eckhart Tolle. Nous sommes une fois encore en direct ce soir et une des choses que nous attendons tous les deux chaque semaine, c'est l'énergie que nous ressentons venant de vous tous qui vous êtes connectés de votre salon, de votre cuisine, de votre bureau, dans votre famille. Je considère ce moment où nous nous réunissons ensemble en communauté de cette façon et partageons ce travail comme un moment sacré. Donc, où que vous soyez maintenant, je vous remercie. Eckhart Tolle vous remercie de vous éveiller avec nous. Un de mes autres livres favoris est un autre livre d'Eckhart Tolle qu'Eckhart Tolle a écrit, je ne sais pas, il y a de nombreuses années, quelques années, et c'est un petit livre avec dedans des passages merveilleux. Il s'appelle « Quiétude ». Il parle juste à un niveau différent de ce que nous avons parlé jusqu'ici avec Nouvelle Terre, et je voulais commencer ce soir, avant notre moment de silence, en lisant ceci, un extrait au début de « Quiétude ». La quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle en fait? C'est l'espace intérieur, la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. J'aime ça. Vous êtes cette conscience. C'est ce dont nous avons parlé semaine après semaine ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience de vos pensées. Oui. Sous l'apparence d'une personne. Oui. Et vous n'êtes pas vos sens de perception, vous êtes la conscience qui rend la perception possible. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes la conscience qui rend toutes ces émotions possibles. Donc, c'est la dimension où vous êtes sans temps. Tout le reste est dans le temps. Donc, quand vous perdez le contact avec votre immobilité intérieure, vous perdez le contact avec vous-même. Quand vous perdez le contact avec vous-même, vous perdez le contact dans le monde. Votre sens de soi le plus profond, de qui vous êtes, est inséparable de l'immobilité. C'est le « je suis » qui est plus profond que le nom et la forme. Vous êtes la conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. Oui. Donc, je pense que nous devrions avoir notre moment de silence qui nous amène vers cela. Oui, donc je suggère d'utiliser encore ce que j'appelle parfois l'encre du corps intérieur, de telle façon que nous puissions mettre notre attention sur notre corps intérieur et habiter pleinement le corps, être dans le corps et ressentir la vie qui imprègne le corps entier. Et c'est là que notre attention est. Et cela permet de nous ancrer dans l'immobilité. Donc, faisons ça maintenant. L'attention s'éloigne de la pensée pour aller vers le ressenti de la vie du corps intérieur. Ok, c'est beau. Donc, tout le monde, ce soir nous allons traiter le chapitre 6, la libération. Commençons avec un aperçu de ce qu'est ce chapitre réellement dans le chapitre 5. Comme vous le savez tous, nous avons rencontré le corps de souffrance et cela, nous savons tous ce que c'est. C'est la partie de nous qui est accroît à la négativité et au chagrin. Eckhart dit que c'est là que se trouve le début de la libération du corps de souffrance. Tout d'abord dans la réalisation que nous avons tous un corps de souffrance. C'était le chapitre 5. Nous avons fait cela la semaine dernière. Maintenant, dans le chapitre 6, nous allons explorer ce qui déclenche le corps de souffrance dans nos vies quotidiennes et voir si c'est la situation ou certaines choses que les autres font ou disent. Eckhart nous montre comment nous pouvons en fait utiliser ces déclencheurs pour entrer dans un état de conscience plus élevé Et aussi, ce chapitre parle de se libérer du corps de souffrance de telle façon que vous n'avez pas à porter continuellement le passé et tout ce qui est arrivé dans le passé et ce que les gens vous ont fait, votre histoire. Vous pouvez vous libérer de cela. Ce soir, le sujet est la libération. Au début du chapitre, page 162, vous dites que quand vous vous désidentifiez du corps de souffrance, l'énergie qui était emprisonnée dans le corps de souffrance change de fréquence vibratoire et se transforme en présence. Le corps de souffrance devient ainsi un combustible pour la conscience. C'est pour cette raison que beaucoup de femmes et d'hommes illuminés sur cette planète ont eu autrefois un corps de souffrance très chargé. Vous dites donc, ce que je veux vous demander est que tellement de gens aujourd'hui prennent des médicaments. Dès que vous êtes inconfortable, vous allez voir un psychiatre ou un conseiller ou autre. Et la première chose qu'ils font est de vous prescrire des médicaments. Est-ce que le fait de prendre des médicaments fait obstacle au fait d'utiliser le corps de souffrance comme combustible pour l'illumination? Oui, dans une large mesure. Il peut y avoir certains cas extrêmes où les médicaments sont nécessaires et pour les gens qui suivent déjà des traitements, il est certainement déconseillé d'arrêter les médicaments sans l'avis d'un médecin. Donc, si vous ressentez qu'il est temps pour vous d'arrêter, parlez-en à un docteur qui est relativement conscient et qui peut vous aider à arrêter graduellement les médicaments. Donc, c'est vraiment une question de ne pas s'abandonner dans ce comportement culturel conditionné qui vous dit qu'à chaque fois que vous ressentez un inconfort en vous, une perturbation émotionnelle, vous devez rechercher immédiatement une aide extérieure sous forme de substances que vous demandez à votre docteur de vous donner. Apprenez plutôt à être avec l'inconfort intérieur qui survient. Apprenez à être avec la souffrance émotionnelle qui survient, au lieu de vouloir l'éliminer. Apprenez à l'accepter. L'acceptation est un des points de focalisation de cet enseignement. Apprenez à accepter n'importe quelle émotion qui survient plutôt que de s'en éloigner ou de vouloir l'éliminer. Mais justement, Eckhart, pourquoi voudrais-je l'accepter? C'est la raison pour laquelle les gens prennent des médicaments. Oui. C'est pour ça qu'ils mangent, qu'ils jouent aux jeux d'argent, qu'ils se surmènent au travail, qu'ils vivent dans le déni, qu'ils deviennent inconscients parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec cette souffrance. C'est pour ça que nous essayons tous de nous éloigner de cette souffrance. Oui, maintenant, si vous prenez des médicaments, en fait, elle ne disparaît pas. Cela endort la souffrance de telle façon que vous n'en soyez plus conscient. Elle est toujours là, en arrière-plan. C'est la même chose pour beaucoup de maladies. Par exemple, j'ai eu un gros rhume il y a 2 semaines. Je n'ai rien pris. Certaines personnes prennent des choses afin de supprimer les symptômes du rhume. Cela ne supprime pas le rhume. Le rhume est toujours là. Donc, pourquoi l'accepter? Parce que c'est là, à ce moment. Cela fait partie du fait d'amener ce oui intérieur à tout ce qui se présente dans le moment présent. Cela fait partie du fait de devenir ami avec le moment présent, même si à la surface, le moment présent ne paraît pas génial. Et c'est là où la conscience commence à venir dans l'émotion. Si nous amenons de l'acceptation envers ce qu'on vit dans le moment présent, plutôt que de ne pas vouloir le ressentir, de la même façon que si c'est une situation extérieure qui survient et que j'y résiste, car je ne veux pas que la situation soit telle qu'elle est, mais elle est déjà. Alors vous créez juste du stress, et c'est ce que vous dites dans ce livre et aussi dans le pouvoir du moment présent. Vouloir que quelque chose soit différent que ce qu'elle est ce qui cause du stress. Et qui crée plus d'émotions négatives. S'il y a une émotion en vous qui n'est pas plaisante et que vous ne voulez pas ressentir ce que vous ressentez, cela crée au-dessus de la vieille émotion qui est déjà là une autre émotion négative qui veut dénier ce qui est là. Donc la meilleure chose à faire est de la ressentir, de l'accepter, de permettre au ressenti de faire ce qu'il va vous faire, vous rendre triste, mécontent ou quoi que ce soit, et ensuite choisir de faire quelque chose par rapport à cela. Oui. Ou pas. Oui, réalisez d'abord que vous êtes la conscience pour cette émotion, vous êtes l'espace pour elle. Vous êtes la conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes la conscience. Donc déjà un changement s'est produit, car si vous êtes complètement identifié à l'émotion, alors l'émotion va vite croître dans votre esprit et va contrôler votre processus de pensée. et vous penserez que c'est vous. Oui. Donc vous serez identifié à l'émotion. Par exemple, disons, c'est la colère qui vient, un léger déclencheur peut faire venir une colère énorme et vous commencez à avoir des pensées de colère. Ou si c'est de la tristesse ou de la dépression, vous commencez immédiatement à avoir des pensées qui reflètent l'émotion. Et le corps de souffrance aime cela, car le corps de souffrance va se nourrir de l'énergie de vos pensées. C'est ça. Et une fois que vous êtes pris dans le cercle vicieux entre l'émotion et la pensée émotionnelle, la voix qui discute dans votre tête, qui est ce que chacun expérimente la plupart du temps, devient la voix du corps de souffrance, qui parle dans votre tête. Et alors, toutes vos interprétations sur les autres ou les événements vont être totalement déformées et très négatives. Car vous dites à la fin de la page 162, lorsque vous réalisez que le corps de souffrance recherche inconsciemment davantage de souffrance, c'est-à-dire qu'il veut que quelque chose de mal lui arrive, vous aurez compris que de nombreux accidents de la circulation se produisent parce que les conducteurs sont en proie à un corps de souffrance actif à ce moment-là. Si deux conducteurs ont un corps de souffrance actif au même moment et arrivent en même temps à une intersection, la probabilité d'un accident est bien plus grande que dans des circonstances normales. Donc, est-ce toujours le corps de souffrance qui attire les accidents et d'autres mauvaises choses? Non, c'est juste un des facteurs qui est souvent là, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui pourraient attirer un accident. Beaucoup de gens ne sont pas totalement présents quand ils conduisent. Je me souviens qu'il y avait une histoire triste il y a quelques années d'un acteur célèbre qui a été désarçonné de son cheval et blessé aux vertèbres. Oui, Christopher Reeve. Oui, et il est décédé il y a quelques années. Et je me souviens avoir vu un interview de lui où il parlait de son accident. Il aimait monter à cheval et il a dit que pendant un instant, il a perdu le contact avec le moment présent pendant qu'il montait son cheval. Et c'est à ce moment qu'il est tombé. Et il a dit que c'est dans un moment d'inconscience que cela s'est produit. Mais ensuite, il a énormément grandi à l'intérieur après l'accident, car il a été dans une complète acceptation de ce qui lui est arrivé. Et donc, un énorme éveil s'est produit en lui avant de mourir. Bien qu'il fût paralysé. Oui. Bien, Dave nous Skype de son bureau chez lui à Madison dans le Wisconsin. Merci Dave de nous rejoindre. Hello Eckhart. Quelle est votre question? Tout d'abord, je veux vous dire merci, merci, merci à vous deux. Je vous en prie. Ma question est, quand ma femme et moi avons un désaccord, elle revient des heures ou des jours plus tard avec la volonté d'arranger ce désaccord. Et elle ressent toujours qu'il doit y avoir quelque chose de faux ou de juste. Comment puis-je faire en sorte pour qu'elle soit dans le moment présent et que l'ego reste en dehors de ça? Avez-vous regardé la semaine dernière quand il a raconté l'histoire des deux moines? Et ce que le moine disait à l'autre moine, tu portes encore cette fille? Je l'ai posé il y a des heures. Je veux que nous devenions les deux canards. Vous voulez devenir les deux canards? Ok, bien. Maintenant, vous devez voir quel est votre rôle quand vous avez des désaccords chez vous. Je suppose que votre femme a un corps de souffrance qui devient actif à ce moment-là. Et quand vous avez des désaccords, votre corps de souffrance est-il un facteur contribuant ou pensez-vous que c'est juste le corps de souffrance de votre femme? En d'autres mots, quelle est votre contribution dans le désaccord et le champ d'énergie à ce moment-là? Oui, quel rôle jouez-vous dans le mélodrame, Dave? Je ne joue pas dans le mélodrame et cela semble au début l'attiser de son côté. Et ensuite, mais récemment, après avoir lu le livre, j'essaie de porter mon attention sur une seule chose. Ses yeux sont beaux et je pense juste à eux et je me retrouve à un autre endroit en moi et il semble que ça a alors l'air de s'apaiser de son côté. Maintenant, quand vous avez un désaccord ou une dispute, cela signifie que, dans une certaine mesure, vous devez être identifié à une position mentale. Car si vous n'avez pas une position mentale à laquelle vous êtes identifié, il n'y a pas de dispute. C'est pourquoi j'ai dit « à Dave. Oui, c'est pourquoi Oprah était un peu sceptique. Sceptique, oui. Quand vous parliez, donc peut-être avant que nous parlions de votre femme, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire afin d'abandonner l'identification avec une position mentale quand vous discutez. Vous pouvez encore discuter du côté pratique de certaines choses dont vous devez parler, mais ne devenez pas identifié avec une position mentale comme quoi vous êtes dans le juste, car c'est ce que l'ego utilise pour se développer. Et c'est ce qui nourrit le corps de souffrance. À chaque fois que vous vous identifiez à quelque chose, c'est l'ego. C'est intéressant. Oui, tout ce à quoi vous vous identifiez devient l'ego. Donc apportez peut-être plus de vigilance, particulièrement quand une situation se développe pour devenir une dispute ou que vous voyez le corps de souffrance de votre femme redevenir actif à nouveau. Et alors, il est temps de devenir particulièrement alerte et vigilant à l'intérieur de vous, de telle façon que vous ne soyez en aucune façon tiré dans la direction du fait de s'opposer à elle. Et même, Dave, la raison pour laquelle j'ai dit et que j'étais sceptique à cause de ce qu'Eckhart vient juste de dire, si je peux réitérer, si vous n'êtes pas pris dans un mélodrame en vous-même, si vous devenez juste la paix, alors la dispute doit se dissoudre. Comme la femme dont il raconte l'histoire dans le livre qui est venue s'y contrarier avec tous ses papiers et les factures, etc., alors qu'il s'est assis juste pour l'écouter et recevoir, elle a finalement dit « ça n'a pas d'importance », n'est-ce pas? Oui. C'était dans un des cours précédents et je comprends ce dont vous parlez car souvent, quand vous commencez à lire ce matériel et que vous commencez à vous éveiller, on devient un peu content de soi, vous savez. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça encore chez vous. Vous diriez « je suis si... » Car je sais que ça s'est produit avec Stenman et moi-même. Nous sommes dans une discussion et je me sens... Je suis très éveillée, je suis une personne très évoluée, donc ce que vous dites ne va pas me contrarier. Mais cette attitude, l'énergie de cela, mon ego et le contentement de soi est ce qui contribue au mélodrame. Voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, je vois. Oui, vous avez besoin d'avoir raison et vous avez besoin de ressentir comme vous savez, je suis un peu plus supérieure car je ne suis pas engagée là-dedans alors que tu l'es. Oui, donc le fait d'être alerte et vigilant est très important pour vous. Je pense que ce que vous avez juste dit ici est si important pour chacun de nous qui essayons de continuer de s'éveiller à ce processus, que chaque fois qu'il y a une dispute ou un désaccord, la chose est de ne jamais vouloir gagner sur l'autre personne. Mais si on semble y arriver, la question n'est pas « qu'est-ce que je peux faire pour ma femme, pour mon partenaire, pour mon patron ?» pour mon collègue, mais plutôt, que puis-je faire dans la situation? Oui, c'est ça. Quelle est ma contribution là-dedans? C'est ça. C'est le principal. Et alors, votre femme, je ne sais pas si elle a un intérêt dans l'enseignement spirituel ou le corps de souffrance. Lui avez-vous déjà parlé du corps de souffrance? Pas pendant qu'une attaque du corps de souffrance se produit, mais quand le corps de souffrance... Car vous avez dit que personne ne vous entend quand vous le dites. Non, car vous ne pouvez pas parler du corps de souffrance au corps de souffrance. C'est en fait dangereux, car le corps de souffrance vous agressera. Donc, est-ce que votre femme... J'aime quand on vous chatouille. Continuez. Je connais les corps de souffrance, donc... Est-ce que votre femme est parfois relativement plus ouverte à cela, à d'autres moments, ou selon vous, elle est toujours fermée à cela? Elle n'est pas tellement ouverte à cela, mais quand j'ai imprimé les feuilles pour le cours de cette semaine, elle les a sorties de l'imprimante et les a parcourues et dit « tu parles de moi ». Donc... Peut-être cela l'amènera vers le livre. Oui, oui. Ça ouvre la porte, Dave. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok, bien des actes de violence, vous dites page 163, sont commis par des gens normaux qui se transforment temporairement en fous furieux. Cela veut-il dire que vous pensez que les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils font quand ils sont possédés par le corps de souffrance? Non, c'est ce que je dis. Ils ne sont pas responsables, comme nous l'avons mentionné la dernière fois. quand Jésus sur la croix disait « ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est-à-dire qu'ils sont si inconscients, ils sont sous l'emprise d'un champ d'énergie qu'ils ne peuvent contrôler. Ils ne savent même pas qu'ils sont sous l'emprise de ce champ d'énergie, car celui-ci a pris complètement possession d'eux. Donc, dans ce sens, je dis qu'ils sont responsables, ce qui ne signifie pas qu'ils ne souffrent pas des conséquences de leur action. Donc, ça paraît presque un peu comme un paradoxe. Non, ils ne sont pas responsables, néanmoins, karmiquement, ils souffriront des conséquences de leur inconscience, car les êtres humains, notre but est d'évoluer et de devenir des êtres conscients. Donc, si nous ne devenons pas des êtres conscients, alors nous souffrons. Plus nous sommes fermés à cette impulsion d'évolution qui nous fait évoluer vers l'épanouissement de la conscience, plus nous sommes fermés à cela, plus nous souffrons. Et donc, ces gens qui infligent de la violence à d'autres, qui font souffrir les autres, se font également souffrir. Et ils souffrent des conséquences, karmiquement. Et parfois, les conséquences karmiques viennent sous la forme du système légal. Donc, ils sont mis à l'écart et cela représente pour eux, à ce moment, le karma. Et alors, il y a toujours une possibilité, quand ils sont dans une profonde souffrance, à cause de quelque chose qu'ils ont fait dans un état de complète inconscience, quand ils sont dans une profonde souffrance, peut-être en prison ou qu'ils soient, il y a toujours la possibilité alors d'un éveil à travers la souffrance qu'ils se sont infligée en eux-mêmes et aux autres aussi. Oui, car vous dites en page 164, quand vous ne pouvez plus supporter le cycle sans fin de la souffrance, vous commencez à vous réveiller. Le corps de souffrance a donc sa place dans une perspective élargie. Il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent jamais. Le corps de souffrance, juste, vous savez, il meurt avec. Oui, c'est vrai. Alors, il y a toujours une chance que la conscience non éveillée s'éveille sous une autre forme, dans une autre situation. L'univers entier va dans cette direction d'éveil. Donc, plus nous sommes ouverts à cela, parce que nous devons ou nous allons mourir. Oui, en tant que l'espèce humaine, maintenant. Maintenant, l'impulsion d'évolution a été là pendant des millions d'années ou plus, mais pour nous, maintenant, nous sommes arrivés à ce point critique où l'humanité, si l'humanité n'embrasse pas ce nouvel état de conscience, l'état d'éveil, alors l'humanité n'arrivera pas à s'en sortir. À une échelle cosmique, même ça n'a pas d'importance. Et ce qui a été accompli dans l'éveil de la conscience sur cette planète ne sera pas perdu. Il y a seulement une conscience à travers l'univers entier, et cette conscience unique s'éveille à travers des millions et des milliards de formes de vie. Et si nous ne survivons pas en tant qu'espèce humaine? Ce n'est pas pour autant la plus grande des tragédies. D'un point de vue relatif, c'est tragique, mais en termes d'absolu, c'est OK aussi. Oui, c'est vraiment notre décision. Oui, oui. Le fait que nous sommes ici en ce moment même, engagés dans ce travail, est un très bon signe. Cette conversation, oui. Au moins, nous savons qu'à l'instant même, l'éveil se produit. Oui, pour les centaines de milliers de personnes qui se joignent à nous autour du monde. Oui. Daniel, qui se joint à nous d'Irlande, nous Skype de Dublin. Hello Daniel, hello Oprah, hello Eckhart. Quelle heure est-il à Dublin en ce moment? Je pense qu'il est 2h30 du matin. Ok, bien, vous restez tard. Merci de vous joindre à nous. Non, je suis enchantée d'être là. Merci de me recevoir. Et ma question est à propos de l'ego. Et je vais vous la dire. J'ai pratiqué le fait d'essayer de rester dans le moment présent pendant plus de 3 ans maintenant. Mais j'en suis arrivée à l'heure actuelle à rester comme bloquée. Car mon ego continue de me dire, si tu te débarrasses de ton ego, tu perdras le monde tel que tu le connais. Tu perdras tes relations que tu as construites avec tes amis pendant des années. Et tu vas vouloir abandonner ta carrière pour laquelle tu as travaillé tant. Et tu seras isolée du reste de la société, car ils vivent tous dans l'ego. Comment puis-je dépasser cela? Merci. Excellente question. Maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué, ce sont là des pensées qui surviennent dans votre esprit. Ces pensées qui surviennent dans votre esprit vous disent quelque chose. Maintenant, ce que ces pensées vous disent peuvent être très loin de la vérité. Les pensées, si tu t'éveilles, si tu deviens vraiment présent, tu perdras tes amis, la vie ne sera plus drôle. vous devez voir, est-ce la vérité ou est-ce juste des pensées que l'esprit de l'ego produit pour m'empêcher d'être présente? Est-ce que je crois ces pensées ou plutôt l'évidence qui m'est apparue au départ? Car si vous avez pratiqué le fait d'être présent, alors vous réalisez que c'est en fait assez joyeux que d'être complètement ouvert au moment présent. Cela ne vous éloigne pas du fun d'être vivante. Cela vous rend plus intensément vivante, en fait, quand vous êtes complètement présente dans le moment présent, plutôt que de toujours regarder vers un quelconque moment suivant qui sera mieux que celui-ci. C'est de cette façon que la plupart des gens vivent. Donc je suis sûr que vous avez déjà eu des aperçus, plus que des aperçus, de comment la qualité de votre vie, en fait, s'accroît à travers le fait d'être complètement présent à la vie maintenant, car la vie est maintenant. Et votre esprit, s'il vous plaît, une question? Non, je le sais sans aucun doute, mais je pense que c'est juste l'ego qui continue de se glisser dans l'esprit, ou autrement, vous seriez dans une situation où vos amis s'attendent à ce que vous agissiez de la même façon que vous avez toujours agi avec l'ego, comme votre amitié, beaucoup d'amitiés sont comme maintenues à travers l'ego. Oui. Vous savez, c'est votre personnalité, et vous savez, vous allez essayer d'être dans le moment présent, ils seront comme « allez, allez, allons-y et faisons quelque chose », et de façon évidente à essayer d'échapper au moment présent. Mais n'est-ce pas vrai, Daniel, que quand vous vous éveillez, quand vous arrivez à un état où vous ressentez plus vivante et éveillée et désirant être plus présent à vous-même, cela signifie que vous pouvez avoir à laisser aller certaines des choses qui avaient l'habitude de vous apporter un faux sentiment de bonheur? Cela peut être les mêmes personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer, avec qui vous faisiez des choses et qui ne sont pas prêts à suivre votre chemin et non désireux de faire partie de certaines des choses auxquelles maintenant vous attachez de l'importance. Peut-être que cela signifie laisser aller certains de ses amis, c'est là tout le propos. Peut-être juste un commentaire là-dessus. Habituellement, ce qui se passe quand les gens deviennent plus présents, certains de leurs amis sont en fait attirés vers cela, car l'état dans lequel vous êtes affectera les gens autour de vous. Ah, voilà. Donc habituellement, il arrive que certains de vos amis vont en fait se joindre à vous et croître également dans la présence et s'éveiller. Et certains autres qui ne sont pas encore prêts peuvent s'en aller, c'est souvent le cas. Et votre carrière ne peut en fait que s'améliorer, car la qualité de tout ce que vous faites en pleine présence est tellement plus grande. Et il y a tellement de pouvoir disponible pour vous qui n'est pas là quand vous êtes toujours en train de rechercher autre... Quand vous êtes éparpillé. Vous vous souvenez, quand il y a 2 semaines, j'ai cité le maître zen qui observait des concurrents à une compétition de tir à l'arc, et le maître zen qui observait un des concurrents dit que son besoin de gagner épuise son pouvoir. Et bien sûr, ce besoin de gagner, que la plupart des gens qui sont dans la vieille conscience ont, est le besoin d'arriver à un certain moment dans le futur, et cela prend une partie de l'énergie à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et cela épuise votre pouvoir. Donc tout ce que vous faites quand vous êtes présent devient en fait plus puissant. Je me souviens quand j'ai commencé à faire ce talk show il y a 22 ans, j'avais l'habitude qu'on me pose plein de questions à propos d'autres talk shows et d'autres gens. Et j'avais toujours l'habitude de dire « nous courons notre propre course ici ». Et l'énergie que cela prend de regarder en arrière pour voir où en sont les autres dans la course. Et il y avait beaucoup de monde, des hommes et des femmes, avec leur propre show télévisé dans la compétition. Et donc l'énergie que cela prend de regarder ce que fait quelqu'un d'autre prend de l'énergie à ce que vous faites. Je veux dire, quand vous êtes sur la piste, comme j'en avais l'habitude, et si vous prenez juste un moment pour regarder derrière et voir où se trouve l'autre, cette énergie est si épuisante et vous fait perdre pied et votre concentration et votre focalisation. Donc c'est ce que vous dites. Oui, et avoir ce sentiment que vous êtes en compétition contre d'autres fait aussi partie de l'énergie de l'ego. C'est juste. Et cela aussi vous fait perdre en puissance. C'est ça, au lieu de juste courir la course, courir votre propre course. Maintenant, quelle est la meilleure façon pour nous de sentir le corps de souffrance? Merci beaucoup, Daniel, qui a appelé de Dublin. J'ai eu des problèmes de connexion. Merci, au revoir. Au revoir. C'est très facile pour nous tous de repérer le corps de souffrance chez les autres. Et j'ai en fait entendu dire de nombreuses fois cette semaine, « Oh, c'était son corps de souffrance. Oh, c'était son corps de souffrance. » Merci d'introduire cette expression dans notre culture, donc c'est facile de le voir chez les autres. Quelle est la meilleure façon, premièrement, de le repérer en soi-même? Et ensuite, comment peut-on s'arrêter d'agir quand on est sous son emprise? Y a-t-il, vous savez, des exercices ou quelque chose que nous pouvons faire pour casser l'emprise quand vous ressentez que vous êtes possédé par lui? Oui, la chose importante est de l'attraper au début, quand il démarre, avant qu'il prenne possession de votre esprit, quand il est là, en tant qu'émotion. Et habituellement, c'est le corps de souffrance quand la réaction émotionnelle est hors de proportion par rapport à l'événement déclencheur. Donc une chose relativement mineure déclenche une énorme quantité de chagrin sous une forme ou une autre. C'est juste. Une petite chose se produit et vous vous enflammez. Oui. Et alors, après un moment, vous repérez quelle sorte de situation déclenche votre corps de souffrance. Vous pouvez donc être en fait plus vigilant quand cette sorte de situation survient. Et vous pouvez voir une chose très importante est d'être capable d'avoir une certaine attention à l'intérieur de votre corps qui est connecté avec l'exercice que nous avons fait aujourd'hui au début, qui est d'apporter de la conscience dans le corps. Vous pouvez ressentir plus facilement une émotion survenant à l'intérieur de vous, que ce soit une émotion très chargée, de profonde tristesse ou une émotion ardente de colère ou autre chose, ou une émotion de peur intense, cette contraction. Il y a tellement de gens actuellement qui ne sont pas en contact avec leurs émotions car ils vivent seulement dans la tête. Donc, être capable de ressentir une émotion qui survient et alors la reconnaître comme étant le début du corps de souffrance, mon corps de souffrance, et aussi longtemps que vous savez que c'est le corps de souffrance, vous n'êtes pas identifié avec, car le fait de connaître est la conscience. Et donc si vous l'attrapez tôt, et alors il peut encore croître, soudainement la peur peut devenir très intense, ou la colère, ou n'importe quelle forme que le corps de souffrance prend, mais vous serez là, en tant que la conscience en arrière-plan, pendant que ça se produit. Et alors le corps de souffrance ne pourra pas contrôler vos pensées car vous braquez la lumière de la conscience dessus. Il ne peut se glisser dans votre esprit et soudainement lui faire penser ce qu'il veut que votre esprit pense. Donc restez là en tant que la conscience pour lui et dites « Oh, voilà le corps de souffrance ». Alors il ne peut se régénérer et ne peut contrôler votre comportement, vos actions. Vous l'en avez empêché, non pas en le maintenant prisonnier par la force, mais par votre présence. Et alors, il ne peut se renouveler par le biais de cette situation. Donc, il surgit soudainement, mais ne peut se maintenir et se renouveler. Il s'apaise alors à nouveau. Mais le corps de souffrance étant très rusé, attendra une opportunité plus appropriée. Quand vous êtes moins conscient, et à ce moment, il va revenir. Il va réessayer. C'est comme si vous étiez toujours testé. Oui, le corps de souffrance est comme un petit animal sauvage. Il est là, toujours, derrière, en train de dire, « Ok, quelle est la situation? Puis-je sortir maintenant? Ou est-ce que ce n'est pas le moment ?» Parce qu'il est trop conscient. Est-ce que le corps de souffrance est l'ego, Eka? Le corps de souffrance est l'aspect émotionnel de l'ego. Quand vous êtes identifié avec le corps de souffrance, il fait alors partie de l'ego, car tout ce à quoi vous identifiez fait partie de l'ego. Quand vous ne vous identifiez pas avec, il ne fait plus partie de l'ego. Ok, car ce à quoi vous vous identifiez est l'ego. J'aime cette question de Lorraine à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui écrit « J'attire la négativité, il semble que tout mon monde est juste un seul grand combat, je veux juste que les gens arrêtent d'entrer dans des combats avec moi, je ne vais pas à la recherche du conflit délibérément, mais il vient à moi, je déteste ça, je veux juste la paix, quel est le problème ?» C'est intéressant. Oui. Maintenant, peu importe ce que vous expérimentez de façon répétitive et fréquemment, extérieurement, c'est une réflexion de votre état intérieur. Donc, vous attirez certaines choses dans votre vie qui reflètent votre état de conscience. Donc, pour Lorraine, c'est très important de devenir bien plus conscient de dans quel état elle est à n'importe quel moment. Devenir bien plus consciente de l'émotion qu'elle ressent à n'importe quel moment. Car Lorraine n'attirerait pas les combats et les conflits si cette énergie n'émanait pas d'elle. Oui. Et vous dites, page 162, il émane de chaque être humain un champ énergétique qui correspond à son état intérieur. Champ énergétique que la plupart des gens peuvent percevoir, même s'ils ne le savent pas. C'est cette perception subliminale qui détermine dans une large mesure la façon dont ils se sentent ou réagissent en présence de l'humain en question. Oui, et donc il y a deux aspects à votre état intérieur. L'aspect émotionnel, quelle est l'énergie de l'émotion que vous ressentez, et l'aspect mental, quelle sorte de pensée votre esprit produit-il en ce moment? Est-ce que votre esprit produit des pensées négatives? Quelle sorte de pensées? Donc, vous devez être là en tant que conscience, devenir conscient de qu'est-ce que je ressens en ce moment même. Quel est mon état maintenant? C'est une bonne question à se poser. Quel est mon état intérieur en ce moment même? Au moment où quelqu'un entre dans un combat avec elle? Non. Les moments normaux où vous n'êtes pas défié, car tout cela s'accumule. Votre état normal de conscience finit par produire une certaine sorte d'événement extérieur. Donc, autant que possible, dans chaque situation, votre état de conscience intérieur est toujours plus important que la situation extérieure. J'ai compris. La situation extérieure est toujours secondaire. Donc, qu'est-ce que je ressens maintenant? Ce sont des questions importantes. Une vigilance survient alors quand vous réalisez soudainement qu'est-ce que raconte mon esprit, qu'est-ce qu'il dit la plupart du temps, quelle sorte de pensée mon mental produit-il, combien ai-je de pensées négatives chaque heure, chaque minute. Vous en devenez conscient particulièrement, car l'ego aime les pensées négatives. Et donc ce que vous dites alors, c'est que ça serait impossible pour Lorraine d'être tranquille. Elle dit « je veux juste la paix, quel est le problème ?» Ce serait impossible d'être juste à la fois une personne tranquille, pacifique, s'occupant de ses propres histoires, ayant des pensées aimantes et paisibles et que les gens veulent m'attaquer tout le temps? Oui, ça ne serait pas possible. Il y a quelque chose en elle dont elle a besoin d'être consciente. Et ce n'est pas son vrai soi. C'est une forme de conditionnement. Son vrai soi est la conscience, qui est toujours parfaite. C'est OK, il n'y a rien de mauvais par rapport à qui elle est en essence. Donc, regardez, soyez vigilant autant que possible. Peut-être mettez quelques signes chez vous, des petits rappels, de telle façon que vous vous souveniez d'être conscient de ce qu'il se passe en vous. Que se passe-t-il en moi? Question très importante. Que se passe-t-il en moi? Quelle pensée mon esprit pense-t-il? Qu'est-ce que c'est que je ressens maintenant? Je voulais encore revenir à la page 162 où vous dites « Il émane de chaque être humain un champ énergétique qui correspond à son état intérieur. » Champ énergétique que la plupart des gens peuvent percevoir, même s'ils ne le savent pas. C'est cette perception subliminale qui détermine dans une large mesure la façon dont ils se sentent ou réagissent en présence de l'humain en question. J'ai fait une rencontre récemment avec quelqu'un. Il y avait là un champ d'énergie si fort, je suis rentrée dans la pièce et je l'ai senti si fortement que j'ai dû sortir aussitôt. Certaines personnes en sont clairement conscientes dès la première rencontre, même avant d'avoir échangé quelques paroles que ce soit. C'est ce qui s'était passé là-bas. Ensuite, j'aime cette partie-là. Ensuite, les paroles prennent le dessus et avec elles entrent en jeu les rôles que la plupart des gens endossent. L'attention se déplace alors vers le domaine des pensées et la capacité à percevoir le champ énergétique de l'autre diminue grandement. Ce dernier continue néanmoins d'être perçu à un niveau inconscient. Et c'est pourquoi les enfants peuvent le sentir, les petits-enfants peuvent le sentir, car ils n'ont pas les mots ou le langage, n'est-ce pas vrai? Oui, les animaux peuvent le sentir aussi. Les animaux peuvent le sentir aussi. Oui, extrêmement, car ils n'ont pas le royaume mental, conceptuel, donc ils peuvent sentir bien plus fortement un champ d'énergie humain. C'est juste. Et une fois que vous vous êtes présenté, votre titre ne signifie rien pour eux. Non. Votre titre, votre position, votre étiquette, le rôle que vous jouez ne signifie rien pour eux. Donc, une fois qu'ils vous ont reniflé et qu'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Nous avons Mubina de Dubaï au téléphone. Hello Mubina, nous avons entendu dire que vous avez une question. Hello Oprah, j'ai entendu dire que Dubaï est génial. C'est très beau, s'il vous plaît, venez visiter. Oui, je pense que je pourrais venir. Oui. Avez-vous une question en rapport avec les relations? Allez-y. Oui, ma question est en rapport avec la nature de l'amour. Eckhart dit que l'amour n'a pas de manque, que le véritable amour est vraiment en rapport avec le fait de ne rien attendre en retour. Ma question est reliée à un petit dilemme personnel. J'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans et je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'il a un corps de souffrance dense. Ma question est, dois-je continuer à être présente pour cette personne? Je l'ai été pendant 5 ans, lui donnant mon temps présent et étant vraiment là pour lui. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Car j'ai vraiment le désir de me marier et d'avoir une famille un jour. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre quelqu'un qui a un corps de souffrance chargé? Mais je ressens encore que je veux être présente pour cette personne. Et je sais qu'Eckhart dit que nous ne devrions pas essayer de changer les gens. Bien, vous n'allez pas le changer premièrement. Espérez-vous que vous allez le changer? J'espère qu'il va laisser aller son passé à un moment donné et réaliser que je suis celle qui est faite pour lui. Bien, je pense que vous avez besoin d'un peu plus d'éveil. Non, mais je vais laisser Eckhart répondre. Continuez. Ressentez-vous que vous aimez cette personne? Oui, très clairement. Bien. Ce que signifie que d'aimer quelqu'un? Quand vous aimez vraiment un autre être humain, il y a quelque chose que vous reconnaissez en lui qui n'a rien à voir avec la forme de cette personne. Il y a la reconnaissance de l'essence de cette personne et de votre propre essence, votre propre être, votre propre conscience. Reconnaît cela en l'autre. Et cette essence est le divin en chaque être humain. Donc, quand vous aimez une autre personne, vous aimez vraiment Dieu dans l'autre personne. Vous n'aimez pas la personne. Si vous aimez la personne, c'est l'ego, car vous aimez la forme. Et si vous aimez la personne et non le sans-forme à l'intérieur de la personne, le divin, si vous n'aimez pas Dieu dans l'autre personne, alors l'amour est celui de l'ego. Et l'amour de l'ego est très différent du véritable amour. L'amour de l'ego est dans le besoin. Et l'amour de l'ego dit « Aime-moi en retour, sinon je serai très en colère. » Ou contrarié ou impatient, car tu ne m'as pas aimé de la façon dont je désirais être aimé. Oui. Donc, il n'y a pas de besoin de renier ce que vous ressentez pour cette personne. C'est en fait... Oui, je n'ai jamais vraiment attendu quoi que ce soit en retour de lui. Mais ce que j'entends de mes amis est toujours « Qu'attends-tu ?» Et vous savez, il ne te donne rien en retour, donc qu'attends-tu ? Et ça ne me dérange pas d'attendre 5 autres années. C'est juste que j'ai été, vous savez, bombardée avec les questions des amis qui disent juste « Continue avec d'autres gens. » Maintenant, l'amour en vous est ok, l'amour que vous ressentez n'a besoin de rien, mais vous, en tant que personne, vous pouvez avoir certains besoins et certaines préférences dans cette situation. Je ne crois pas qu'elle nous appelle pour ses amis, personnellement. Je crois que vous nous téléphonez pour vous-même, Miss Mubina. Absolument, oui. Oui, ce ne sont pas vos amis qui disent « Pourquoi ne fait-il rien ?» Je pense, vous savez, que ce que vous exprimez au début de cet appel est que vous pensez que ça fait 5 ans et qu'il est temps qu'il fasse quelque chose, mais il a un corps de souffrance plutôt bien chargé, n'est-ce pas? Ok, donc vous voulez qu'il prenne une direction et cette direction soit le mariage. Bien, ça pourrait mener à cela, bien sûr. Je veux dire, je ne suis pas pressée, mais juste... Que voulez-vous? Je veux qu'il réalise que... Je ne sais pas, que... Juste que je l'aime, c'est tout. Vous savez? Et je veux juste qu'il remarque ça. Et je pense qu'il est juste bloqué ou que son corps de souffrance est si dense. Je n'avale pas ça, non. Je pense que ce que vous nous disiez tout à l'heure est ce que vous voulez vraiment. Vous avez dit, je veux qu'il réalise que je suis celle qui est faite pour lui. Oui, sans aucun doute, je ne vais pas mentir sur ça. Oui, vous l'avez déjà dit, continuez. Bien, il est peut-être temps pour vous de lui parler et de dire « Je t'aime et ce que je ressens pour toi ne changera pas. Mais j'ai certains besoins et certaines préférences. Je voudrais que tu décides et t'engages en me disant si oui ou non tu veux être avec moi. » Audacieux, audacieux, Eckhart. Et alors il dit, bien, je ne suis pas prêt pour ça. Maintenant, s'il dit, je ne suis pas prêt, et vous vous emportez ou devenez extrêmement contrarié, alors c'était l'amour de l'ego. Il me l'a dit déjà de nombreuses fois avant qu'il n'est pas prêt. Et j'ai dit, bien, c'est ok. Vous avez entendu ce que Eckhart vient juste de dire? Hello, Mubida. Avez-vous entendu? Si vous êtes contrarié, alors c'est l'amour de l'ego. Ok, et si cela ne vous contrarie pas et vous êtes patiente, et comme vous disiez, vous pouvez attendre 5 ans de plus ou peu importe pour vous, quel choix il fait, alors peut-être c'est la vraie chose, à moins que vous êtes juste en train d'attendre qu'il bouge et qu'il découvre que vous êtes celle qui est faite pour lui. Ok, c'est ce que j'ai fait et je voulais juste avoir la confirmation. Donc c'est bien, c'est confirmé, c'est super. L'ampleur de votre amour pour un autre être humain dépend de l'ampleur de votre connexion avec votre propre essence. Et vous pouvez reconnaître, parfois c'est plus facile de reconnaître Dieu dans une forme particulière, mais vous pouvez reconnaître Dieu dans un autre être humain. Donc l'amour est en vous. L'amour ne vient pas de l'extérieur. L'amour est la reconnaissance de l'unité, que ultimement, vous et les autres partagez la même et unique conscience. C'est ce qui connecte et fait que tous les humains sont un. Et ce que vous dites dans le livre, je ne sais pas, je paraphrase maintenant, car c'était, je pense, la semaine dernière que vous avez vraiment développé sur le corps de souffrance et que souvent les gens confondent ce qu'ils pensent être de l'amour avec leurs propres besoins et identification avec l'ego. Avec, vous savez, cette personne me valide. Oui. Particulièrement dans notre société, dans la société américaine où tout est en rapport avec la romance. Oui, c'est ce qui est encouragé par la culture, dans ce que vous voyez dans les films, les rôles associés à ça. C'est ça. Ça nous a beaucoup abîmés, non? Oui. Mais nous nous réveillons de cela. Il n'y a pas tant de films maintenant qui finissent dans un mariage heureux ou quelque chose comme ça, car les gens commencent à reconnaître que ce n'est pas comme ça que c'est. Ce n'est pas heureux pour toujours. Non. Merci, Mubina. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. La semaine dernière, nous avons interviewé sur le Oprah Show Thomas, qui est transsexuel. Avez-vous entendu parler de cet homme qui attend un enfant? Un homme transsexuel qui attend un enfant et sa femme Nancy. Nous avons aussi parlé aux voisins de Thomas et Nancy, Georges et Victoria, qui nous ont donné leur réaction. Et j'ai découvert durant la pause publicitaire que Georges et Victoria sont des étudiants de Nouvelle-Terre. Et voici le clip de notre conversation après le Oprah Show. Ils viennent juste de me dire pendant la publicité que vous lisez Nouvelle-Terre. Suivez-vous le cours? Absolument, et nous aimons ça, Oprah, ça a été fantastique. Nous avons en fait lu le livre avant et je n'ai pas pu m'arrêter. Je devais lire le livre en entier car j'ai dit à Georges, enfin je suis si excitée, ce livre est vraiment captivant, tu sais. Et donc, alors j'ai encouragé Georges à suivre le cours avec moi, donc nous l'avons regardé et étudié ensemble, et c'est ce qui nous aide à être plus compréhensifs et ouverts d'esprit et à sortir du jugement, comme Eckhart dit. Pas d'étiquette, essayez de sortir les jugements de la tête et rester dans le moment présent. Et simplement étreindre nos fidèles voisins comme des êtres humains avec nous qui nous partageons cette terre. Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence que nous sommes venus habiter à Bend et que juste en face, de l'autre côté de la rue, nous avons rencontré Nancy et Thomas et cette situation. Car je pense que d'une certaine façon, il y a une raison à cela et ça a été une opportunité pour nous de grandir et c'est pour cela que nous sommes en quelque sorte honorés vraiment de partager cette expérience car elle nous a vraiment aidé à devenir, vous savez, des gens plus éclairés. Ça nous a donné l'opportunité en fait de manifester ce pourquoi est fait ce séminaire. Donc c'est Victoria et Georges qui nous rejoignent maintenant via Skype de leur maison à Bent dans l'Oregon. depuis que Nancy et Tom sont passés dans l'émission, est-ce que toute la presse est venue dans votre quartier pour les voir ou vous voir? Oui, assez bizarrement, ils se sont plus ou moins évaporés après votre émission et c'est relativement tranquille maintenant. Oh. Je me souviens que vous aviez une question pour Eckhart et j'ai dit que j'allais vous laisser la poser vous-même. Elle était reliée à la souffrance du Christ. En page 144, Eckhart écrit « Pourquoi le corps du Christ, le visage tordu par l'agonie et le corps saignant par une multitude de blessures constitue-t-il une image si significative dans l'inconscient collectif de l'humanité ? Des millions de gens, surtout au Moyen-Âge, n'auraient pas ressenti de lien si profond avec cette image comme ils l'ont fait s'ils n'étaient pas entrés en résonance particulièrement en elle, s'ils ne l'avaient pas inconsciemment reconnue comme la représentation extérieure de la propre réalité intérieure, comme la représentation de leur corps de souffrance. Mais ils n'étaient pas suffisamment conscients pour reconnaître ce corps de souffrance directement en eux. C'était cependant un début. » On peut considérer le Christ comme l'humain archétypal incarnant aussi bien la souffrance que la possibilité de transcendance. Et vous aviez une question en rapport avec une partie de ça. Continuez, Georges. Oui, merci Oprah pour nous recevoir à cette émission Eckhart. Vous mentionnez beaucoup la doctrine chrétienne dans votre livre et c'est une question pour m'aider à concilier la doctrine chrétienne avec votre enseignement. Si c'est vrai que l'ego aime la souffrance, comme vous le mentionnez dans votre livre, et si c'est vrai, comme le dit le Nouveau Testament, que Dieu a envoyé son Fils unique pour souffrir et mourir pour les péchés de l'humanité, est-ce que la passion du Christ était un ego trip? Merci, merci. Maintenant, je ne dirais pas que l'ego aime souffrir. Le corps de souffrance aime souffrir. L'ego, en fait, très souvent, fait tout son possible pour éviter la souffrance. L'ego produit de la souffrance, inévitablement, tôt ou tard, car la façon dont il gère ses affaires est dysfonctionnelle. L'ego est une vue très limitée de qui vous êtes. Et si vous agissez à partir de cet aperçu très limité de qui vous êtes, vous ne pouvez voir et savoir comment vous ajustez à la totalité des autres êtres humains et à votre environnement. Alors, finalement, vos actions produiront de la souffrance. Donc l'ego produit de la souffrance où il veut quelque chose d'autre. C'est pourquoi nous avons le proverbe « La route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions ». L'ego veut ce qu'il y a de mieux pour vous, mais il produit souvent le pire. Donc je ne dirais pas que la souffrance du Christ est un ego trip. Ce n'est pas ça. Je voudrais partager quelque chose avec vous. J'ai eu une révélation il y a quelques années. J'entrais en Angleterre dans l'église d'un village. Elle était très tranquille. J'étais la seule personne dans cette église, vieille de 600 ans. Et j'ai vu la croix et l'autel et Jésus sur la croix. Et c'est une image à laquelle nous sommes tellement habitués que nous ne la questionnons pas. Mais à ce moment, je l'ai vue comme si je venais d'arriver sur cette planète et que je ne l'avais jamais vue avant. Et j'ai été frappé par l'étrangeté de ce symbole. Et j'ai regardé, il y a un être humain souffrant en agonie sur cette croix et en même temps, il y avait une autre croix sans Jésus dessus. Et j'ai vu cette croix dorée, que cette croix dorée était la même croix. Cette croix qui est un instrument de torture est en même temps un symbole du divin. Et soudainement, j'ai vu une signification très profonde dans cela, qui je pense peut être appréciée et reconnue par n'importe qui, même des non-chrétiens. Jésus sur la croix représente l'humanité. Jésus représente chaque être humain qui a vécu, vit ou vivra. Jésus représente quelque chose qui fait partie de la condition humaine. Et ce que j'ai vu à ce moment-là, quand je regardais la croix dans l'église, c'est que cela représente un être humain qui expérimente une forme extrême de limitation. Il est totalement non libre, totalement limité, en profonde souffrance. Et en même temps, je me suis soudainement remémoré des mots qu'il a dit sur la croix. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Et cela était l'acte de complète acceptation de la souffrance. Il est allé dans les profondeurs de la souffrance et ensuite a totalement accepté la souffrance. Et par le biais de cette souffrance, une soudaine transmutation s'est produite. Et l'instrument même de torture, la croix qui a produit la souffrance, était transformée et est devenue un symbole du divin. Et cela expliquait le paradoxe que je venais de voir quand je suis rentré dans cette église, comme si je n'étais jamais rentré dans une église auparavant, et j'ai vu comment un instrument de torture peut être en même temps un instrument du divin. Et donc, dans la vie de chaque être humain expérimentera une certaine forme de souffrance, parfois très intense. Parfois, chaque être humain, comme vous disiez la semaine dernière, aura sa propre croix à porter. Chaque être humain a sa propre croix à porter et chaque être humain a besoin d'apprendre la leçon qui est là. Et nous regardons Jésus sur la croix ici. Il a dû en arriver à un point où un être humain, au lieu de vouloir éviter la souffrance, dit « c'est ce qui est » et apporte un « oui » total à ce qui se passe dans cet instant. Non, pas ma volonté, mais la tienne sera faite. Ta volonté sera faite, alignement complet. Et j'appelle cela souffrance consciente, ou soudainement, la résistance intérieure n'est plus là. Et quand vous allez dans la souffrance consciente et dites, c'est ok, je dis oui à cela, même la situation la plus inacceptable, s'il n'y a rien que je puisse faire par rapport à cela, je lui apporte un oui. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Oui, et à ce moment, l'ego meurt. Et à ce moment, le divin surgit. Et la chose même qui était la pire des choses qui ne pouvait jamais vous arriver, quand vous vous y abandonnez, devient une ouverture au divin. Et c'est le miracle dans la valeur transformante de la croix. Eh bien, je crois que c'est puissant. Georges et Victoria, n'est-ce pas? Le moment, je comprends, je viens juste de comprendre ça, j'ai une révélation. Au moment même où la pire des choses qui puissent vous arriver, vous vous abandonnez. Il y a une ouverture qui permet à l'énergie du divin de venir, au moment de l'abandon. Oui, et cela est la grâce. J'ai compris ça, Georges. N'avez-vous pas compris ça? Oui, j'ai compris. C'est une leçon pour nous, en d'autres mots. Derrière chaque forme de souffrance, il y a la grâce qui se cache, dissimulée. Elle ne se révèle pas tant que vous ne vous abandonnez pas, tant que vous ne souffrez pas consciemment, tant que vous reniez ce qui est. Donc, il y a la grâce qui se cache derrière chaque forme de souffrance. Donc, si l'ego n'aime pas la souffrance, mais qu'il produit de la souffrance, quelle est cette voix dans notre tête à laquelle vous vous référez dans le livre, la voix qui dénigre notre estime de soi et qui dit « tu n'es bon à rien, tu ne réussiras jamais à rien » C'est aussi ce qui est décrit dans la Bible comme étant la voix de Satan. Est-ce que l'ego, dans ce sens, est une force du mal en nous? Vous savez, le bien et le mal, la dualité? Exactement. Oui, je dirais que l'ego est la complète identification avec la forme, totale identification avec la forme du moi en tant que ce corps, la forme psychologique du moi, la totale identification avec chaque pensée qui survient. Donc, vous ne pouvez en sortir. Vous êtes complètement prisonnier de la forme et cela est le mal. Donc, aller au-delà de la forme, au-delà de l'identification avec la forme, arrive quand une autre dimension s'ouvre. Oui, et n'y aurait-il pas dans certaines cultures dans le passé, j'ai vu ça dans le documentaire de Guy Ritchie sur l'ego, qu'ils avaient l'habitude de se référer à l'ego en tant que Satan. Et certaines cultures se réfèrent à lui en tant que Satan. Merci, Georges, Victoria. Victoria, continuez-vous de prendre plaisir à lire ce livre? Ou avez-vous fini maintenant? J'ai fini le livre, Oprah. J'ai en fait une rapide question, si c'est possible. Allez-y. J'étais curieuse car, vous savez, vous parliez des enfants et du traumatisme que les jeunes enfants expérimentent quand leurs parents se battent, écartent. Pensez-vous qu'une femme enceinte transmet son corps de souffrance à son enfant, pas encore né, Et peut-être que cela se produit sur plusieurs générations avec les grands-mères, les arrière-grands-mères qui transmettent ça à leurs enfants avant qu'ils naissent de telle façon que nous finissons par arriver avec un gros et vieux sac à dos du corps de souffrance de quelqu'un d'autre. Et pouvons-nous nous libérer de ça en étant simplement conscients, comme vous dites? Super question. Oui, vous avez absolument raison. Le corps de souffrance se transmet de génération en génération. Et certainement, ce qu'une mère expérimente pendant la grossesse avec déjà l'enfant qui est en elle, n'importe quelle émotion qu'elle expérimente affectera et laissera des traces chez l'enfant. Et bien qu'aucun scientifique ne l'a découvert encore, je crois que même dans l'ADN humain, il y a déjà une programmation du corps de souffrance. Et donc, on en hérite. Ce n'est que partiellement personnel. En d'autres mots, une partie découle en tant que le résultat de choses qui se passent durant l'enfance, etc. Mais cela va bien plus loin que ça. C'est ancien, c'est très ancien. Et comme vous le savez, je l'ai mentionné dans le livre, un autre aspect du corps de souffrance est aussi collectif. Vous héritez aussi du corps de souffrance, parfois, de votre pays entier. C'est ce dont nous parlions la semaine dernière, le corps de souffrance de l'esclavage dans ce pays par rapport auquel tellement de gens sont dans le déni. Le corps de souffrance de ce qui s'est passé pour les Indiens d'Amérique. Oui. Et donc, ce que vous dites est absolument vrai. Donc, la mère va souvent déjà transmettre son corps de souffrance à son enfant non-né. Donc, ce n'est pas plus difficile de nous libérer. Nous allons en parler avant que le cours de ce soir se termine, se libérer du corps de souffrance. Mais si vous en héritez, si c'est génétiquement encodé dans l'ADN, est-ce que ce n'est pas plus difficile de s'en débarrasser? Bien, c'est comme ça que c'est. Mais cela vient du passé, c'est le passé vivant en vous. Maintenant, le passé n'a pas de pouvoir contre le moment présent. Le moment présent, car tout pouvoir survient du moment présent. Car c'est la vie elle-même. Donc, et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de prendre des années ou des générations pour vous libérer du corps de souffrance. Cela a pris de nombreuses générations pour que le corps de souffrance se construise, mais il suffit d'un humain conscient et d'un instant conscient, maintenant, pour se désidentifier de lui et le reconnaître. Vous n'êtes pas totalement libre, néanmoins, non, mais vous le reconnaissez pour ce qu'il est. Il suffit seulement d'un moment de conscience, maintenant, pour le voir, pour ce qu'il est. Et quand cette personne a alors brisé l'inconscience des générations, et c'est ce à quoi nous sommes engagés, nous brisons l'inconscience qui remonte à des milliers et des milliers d'années. C'est plutôt puissant. George et Victoria, de Maine dans l'Oregon, merci encore. Merci, car vous faites ça sur une base électronique mondiale, donc merci de nous permettre de participer à cette percée. Merci, merci pour la deuxième fois. Bien, en page 170, vous parlez des enfants et vous dites que le corps de souffrance réprimé sont extrêmement toxiques, encore plus que ceux qui sont actifs. Cette toxicité psychique est absorbée par les enfants et elle contribue au développement de leur propre corps de souffrance. Donc les gens sont, je pense à tout le temps, nous venons juste d'avoir quelqu'un à l'émission et il y a toujours des gens à l'émission qui se disputent avec leur famille. Quand vous vous disputez devant vos enfants, je me souviens de ça l'autre jour. La petite fille disait, quand ma mère et mon père se disputent, je m'en vais me cacher sous la couverture. Quand vous vous disputez devant vos enfants, vous créez et renforcez leur corps de souffrance. Oui, enfant, je faisais ça. J'essayais toujours de me cacher du corps de souffrance de mes parents qui étaient là la plupart du temps actifs. Donc c'est une façon, quand il y a une confrontation active, les parents ayant une confrontation avec leur corps de souffrance mutuelle. Oui, vous nous avez choqué la semaine dernière quand vous disiez que vous avez commencé à penser à vous suicider quand vous étiez jeune, de 9-10 ans, à cause de vos parents. Oui, c'était l'environnement général dans lequel j'étais. Je le percevais comme étant extrêmement déplaisant, l'environnement de mes parents. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas affectueux, mais ils avaient tous les deux un corps de souffrance chargé. Je les aimais, mais je ne savais pas à l'époque pourquoi il y avait un conflit permanent. Je savais juste que c'était épouvantable d'être à côté d'eux. Et bien sûr, j'étais aussi malheureux à l'école, car je n'ai jamais aimé devoir étudier des choses qui ne m'intéressent pas. Ce n'était pas fait de façon intéressante. Donc oui, les enfants absorbent. Alors, une façon d'absorber le corps de souffrance de leurs parents est quand il y a un conflit ouvert entre les corps de souffrance des parents. Mais une autre façon, c'est aussi quand certains parents disent « Nous ne devons pas nous battre devant les enfants. » Et néanmoins, il y a une intense négativité. Ils peuvent ne rien dire, mais il y a une émanation d'une intense négativité des parents. C'est vrai. Je connais un couple. Ils sont restés ensemble 24 ans, en ordre, jusqu'à ce que le dernier enfant soit grand et entre au collège. Tous leurs enfants sont complètement perturbés. Vous savez, un problème après un autre problème, la drogue, l'alcool, et toutes sortes de problèmes, parce que les enfants absorbaient toute l'énergie qu'il y avait à la maison. Oui, et parfois c'est le cas si les parents répriment cela parce qu'ils ne veulent pas se battre devant les enfants, où ils peuvent avoir une image de même de religieux et qu'ils ne doivent pas. Donc ils n'admettent même pas eux-mêmes qu'ils sont dans une intense négativité. Et alors les enfants grandissent avec ça et parfois ils envoient les enfants qui sont forcés de l'exprimer dans le monde. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, quand vous essayez de réprimer ça, quand vous ne réalisez pas complètement la vérité de qui vous êtes et vous dites que la vérité de qui vous êtes vous libérera, quand vous permettez à la mauvaise énergie réprimée de continuer dans la famille, l'énergie est toujours là. Ça nous ramène à ce que je disais en page 162, l'énergie est toujours là. Et les enfants, même plus que les adultes, les enfants qui n'ont pas le langage prennent l'énergie. Oui, c'est ça. Et souvent culpabilisent, car ils n'ont pas le langage pour expliquer. Oui. Ok. Vous dites aussi, bien, tout d'abord, nous avons un appel sur ce sujet de Melbourne, en Australie. Hello. Elle a une fille de 10 ans, son nom est Wendy. Wendy, hello. Hello, Oprah, hello, Eckhart. Hello. Merci de me recevoir à l'émission aujourd'hui. Bien, c'est super de vous parler. J'ai une question, Eckhart. En page 178, vous dites « Quelqu'un qui a été négligé ou abandonné dans son enfance par un de ses parents ou les deux aura développé un corps de souffrance qui devient actif dans toute situation ayant un tant soit peu la résonance de l'abandon primordial. Donc, je vois cette souffrance chez ma fille de 10 ans que le père ne voit plus et avec qui elle n'a plus vraiment de relation. Et ma question est, comment puis-je l'aider avec ses ressentis d'abandon et comment je la guide à travers son comportement de vouloir plaire aux gens? Car j'ai remarqué qu'elle a une forte tendance à vouloir plaire aux gens juste pour être acceptée et aimée. J'aimerais vraiment être aidée sur ça car je suis souvent désemparée pour l'aider avec ça. Pouvez-vous donner un exemple de comment ce que vous voyez comme un ressenti d'abandon se manifeste en elle maintenant? Et pouvez-vous donner une situation où cela se produit? Comment se comporte-t-elle dans une telle situation? Bien, souvent, il y a eu des occasions quand il y a des petites fêtes à l'école et que les enfants sont invités. Et si elle est une des enfants qui est exclue, car évidemment, tout le monde n'est pas invité à l'anniversaire de tout le monde, elle est traumatisée par ça. Vous avez décrit votre fille. J'avais l'habitude d'être cette petite fille de 10 ans qui avait un tel désir de plaire. J'étais toujours en train de donner les papiers de mon cahier à quelqu'un d'autre. Tout ce que j'avais, même au collège, personne ne m'aimait. Donc, vous savez, je dépensais tout mon argent car je travaillais à la télé quand j'étais étudiante et tout le monde était jaloux que j'ai un travail. Et vous savez, avoir un travail à la télé. Donc, je prenais mon argent et j'achetais des pizzas pour tout le monde et essayais de me faire aimer par tout le monde. Et écoutez, j'avais 40 ans environ quand j'ai réalisé cela. Alors j'espère que votre fille le réalisera avant. Je pense qu'une certaine explication légère, juste un peu ici et là, maintenant elle a 10 ans et donc pour les quelques prochaines années, le comportement continuera pendant un moment. Vous ne pouvez pas juste défaire un conditionnement chez une personne. Le corps de souffrance est « je n'étais pas voulu par mon père ». C'est ce que cet enfant dit, « je n'étais pas voulu par mon père ». Oui. Et le corps de souffrance, si votre fille est prise par des ressentis négatifs, intenses, qui sont disproportionnés à l'événement déclencheur, ce qui est un signe que c'est le corps de souffrance, si cela arrive, et quand cela arrive, je décris dans Nouvelle Terre, après que l'épisode du corps de souffrance soit terminé, le jour suivant, par exemple, discuter avec elle ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Hier, quand tu t'es comporté de cette façon, quand tu as fait cela, à ce moment-là, quand tu as dit cela, qu'as-tu ressenti? Posez-lui des questions dans ces termes afin qu'elle commence à mettre son attention sur ses propres émotions et qu'elle puisse les détecter. Posez-lui ces questions après que le corps de souffrance se soit exprimé. Demandez-lui ce qu'elle a ressenti afin que la conscience de cela grandisse en elle. La prochaine fois, quand cela se produit à nouveau, dites « Oh, cette vieille chose est revenue ». Vous pouvez même l'encourager à lui donner son nom, à lui donner un nom, le corps de souffrance. Et alors, elle pourra l'identifier quand ça se reproduira ensuite. Donc, graduellement, l'enfant peut déjà apprendre à ses jeunes à être là en tant que la conscience plutôt que d'être complètement à la merci de l'émotion. En fait, je pense que les enfants peuvent apprendre ça bien plus facilement que les adultes, car nous sommes trop conditionnés. Oui, et cela devrait être une des choses principales enseignées aux enfants à l'école, mais ce n'est pas encore arrivé. C'est vrai. Et aussi, Wendy, je suggérais cela, vous savez, je pense qu'une des choses qui m'aurait bien aidé, je découvre ça avec mes filles en Afrique qui viennent de contextes vraiment défavorisés. Elles sont défavorisées, et une des choses que je veux leur enseigner, c'est une vie de service. Vous vous sentez toujours mieux par rapport à votre vie quand vous pouvez aider quelqu'un d'autre. Et donc, si votre fille, même à 10 ans, est exposée à des enfants qui ont moins de chance qu'elle, des enfants qui sont orphelins ou abandonnés, ou dans la pauvreté, je ne sais pas quelle est la situation à Melbourne, mais des enfants qui ont moins qu'elle, qu'elle puisse voir que sa situation vraiment n'est pas si mauvaise et lui permette de ressentir de la gratitude pour ce qu'elle est, et où elle est, et ce qu'elle a. Et néanmoins aussi de l'empathie et de la compassion pour les gens qui ont moins qu'elle. Je pense que cela commencera à lui offrir une certaine perspective, même à 10 ans. Oui, absolument. Oui, je suis d'accord, absolument. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, donc le chapitre de ce soir, la libération, comment faisons-nous? Vous dites, combien de temps faut-il pour se libérer du corps de souffrance? En page 183, dites-nous combien de temps? La question importante, comme je dis, n'est pas combien de temps faut-il pour se libérer du corps de souffrance, mais combien il faut de temps pour moi pour arrêter de m'identifier avec le corps de souffrance, car c'est plus important d'arrêter de m'identifier à lui parce que, dans un sens, vous êtes déjà libre. Le corps de souffrance peut toujours être là pour un temps, mais quand vous arrêtez de vous identifier avec, c'est déjà la liberté. Vous dites que la réponse est bien sûr, cela dépend aussi bien de la densité de leur corps de souffrance. Certains sont plus denses que d'autres, que du degré de leur état de présence. Oui. Donc, plus vous êtes capable d'apporter ce sentiment de conscience, ou comme j'ai dit au début, que comme je disais au début que cette conscience est dissimulée sous l'apparence d'une personne, plus vous êtes présent à cela, plus il se dissipe. Ça ne se produit pas instantanément. Non, mais chaque fois que vous vous désidentifiez, chaque fois que vous êtes là en tant que la conscience, l'énergie du corps de souffrance diminue déjà. À chaque fois, il y en a un peu moins. Et ce qui se passe pour l'énergie, l'énergie est une, il y a seulement une énergie, mais elle apparaît sous différentes fréquences. Et l'énergie du corps de souffrance a une certaine fréquence, elle est contenue, elle est rigide, fermée, et elle se libère et contribue au développement de la conscience. Et vous dites, mais ce n'est pas le corps de souffrance qui cause de la souffrance, mais l'identification à lui. C'est ça, le corps de souffrance lui-même n'est que... n'a pas de pouvoir sur vous. Non, il n'y a plus de souffrance, quand vous ne vous identifiez plus à lui. Il y a alors seulement un sentiment déplaisant en vous. Vous pouvez difficilement l'appeler souffrance. Mais c'est de la souffrance quand vous devenez lui ou qu'il devient vous. Ça, c'est la souffrance. Ce n'est pas le corps de souffrance qui vous force à revivre sans arrêt le passé et qui vous maintient dans un état d'inconscience, mais l'identification à lui. Je suis en page 183. Alors, il vaudrait mieux poser la question suivante. Combien de temps faut-il pour se libérer de l'identification? Oui, c'est la clé. Et la réponse à cela, bien sûr, est que cela ne prend pas vraiment du temps, car tout ce dont vous avez besoin est d'être conscient à ce moment quand il survient. Au moment où il survient, pour le voir et le reconnaître, soyez la conscience pour lui, soyez l'espace pour lui. En d'autres mots, une autre expression que nous pouvons utiliser, êtes-vous capable d'être la conscience pour le corps de souffrance, d'être l'espace pour le corps de souffrance et dire « Oh, le voilà ». Cela signifie que vous avez brisé l'identification. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être présent dans l'instant en tant que la conscience. Et de se rappeler que le passé, peu importe comment il est, qu'il soit affreux ou horrible ou douloureux, le passé n'a pas de pouvoir sur le moment présent. Il n'a pas de pouvoir car ce qui vient du moment présent est la dimension de conscience que nous appelons présence ou conscience. C'est une dimension qui était déjà là en vous, toujours, mais qui a été recouverte par la densité de l'émotion et la densité des structures du conditionnement, du mental, du processus de pensée. Et la façon d'arriver à cela est de vous faire revenir au moment présent, d'être immobile, tranquille. Oui. Soyez tranquille et alors cela survient, cette dimension qui survient, alors on pourrait dire va au-delà de qui vous êtes en tant que personne, elle est transpersonnelle. C'est la dimension transpersonnelle en vous et c'est la seule chose qui puisse vous libérer du royaume purement personnel qui a sa place mais qui est très limitée. Et c'est la seule chose qui peut vous libérer du passé et de la lourdeur du passé. Le passé ne peut l'emporter sur lui. C'est impossible car c'est le seul pouvoir qu'il y a. Donc c'est aussi la dimension sentant en vous. Quand nous parlons de présence ou de conscience, il n'y a pas de passé, de futur dans la présence ou la conscience. J'ai compris ça. Quand vous dites en page 184, quand vous sentez le corps de souffrance, ne faites pas l'erreur de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et d'en faire un problème, car l'ego aime ça. Ok, l'acceptation doit faire suite à la reconnaissance de ce qui est, et nous en avons parlé beaucoup ce soir. Toute autre chose viendrait masquer cette reconnaissance. Accepter veut dire accepter quoi que ce soit que vous sentiez dans le moment. Vous ne pouvez contredire ce qui est. En fait, vous le pouvez, mais si vous le faites, vous souffrez. C'est comme ça que nous souffrons, en laissant les choses être ce qu'elles sont. Vous devenez ce que vous êtes, c'est-à-dire vaste, spacieux. Vous devenez entier, vous n'êtes plus un fragment, façon d'être tel que l'ego se perçoit. Votre véritable nature émerge, qui ne fait plus qu'une avec la nature de Dieu. Et ensuite, vous dites, c'est ce à quoi Jésus fait allusion. Quand il dit, soyez entier, comme le Père qui est aux cieux, est entier. Dans le Nouveau Testament, le terme original grec qui veut dire entier, intégral, total, a été mal traduit par le terme parfait. Ceci veut donc dire que vous n'avez pas besoin de devenir entier, seulement d'être ce que vous êtes déjà, avec ou sans corps de souffrance. Oui, vous êtes déjà cela. Maintenant, cela nous amène à la question de Denise de Michigan, par email, qui dit « Eckhart, est-il parfait ?» Eckhart, vous semblez presque parfait, bien que je sache que personne ne l'est. N'hurlez-vous jamais? N'êtes-vous jamais en colère ou triste? Je ne suis pas parfait, car la forme ne peut être parfaite. Chaque forme, par le fait même d'avoir une forme, est une chose, mais non l'autre. Le tout, oui, je suis aligné avec quelque chose qui est bien plus grand que la petite personne, et c'est là que je me repose, et c'est de là que vient l'inspiration, et de là que vient l'enseignement. C'est la présence. Et cela va bien plus loin que cette petite personne. Cette petite personne est insignifiante, elle n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Donc, je ne recherche pas la perfection. Je ne recherche pas la perfection en moi, car cela serait une frustration totale. Je fais des choses que peut-être les gens verraient comme imparfaites. Je suis impatiente d'entendre. Je bois un verre de vin, j'aime mon verre de vin occasionnellement, je bois du café au Starbucks presque chaque jour et parfois les gens viennent et me disent « Vous buvez du café, vous ne devriez pas boire du café, pourquoi avez-vous besoin de café ?» Je réponds « Pourquoi pas, je l'apprécie. » Donc j'apprécie toutes sortes de choses, je n'ai pas beaucoup d'émotions négatives, je ne me souviens pas même de la dernière fois où j'ai eu une émotion négative, mais c'est possible. Peut-être, je me souviens, il y a quelques années, oui, je regardais et des gens maltraitaient un animal et soudainement j'ai ressenti de la colère, donc ça peut arriver. Et qu'avez-vous fait quand vous avez ressenti de la colère? Je viens de faire une émission sur les animaux de cirque et ça m'a mis en colère aussi. Vous êtes-vous dit, oh, je sens de la colère? Vous remarquez la colère? Oui, et quelqu'un d'autre a interféré avec ça au même moment, autrement je serais intervenu. Et donc la colère était là, je l'ai ressentie et ça a été dans mon système pendant quelques minutes, vibratoirement, une intense vibration dans le corps et ensuite ça s'est dissipé. Je l'ai laissé aller. Donc juste des petites choses ne vous contrarient plus? Non, je laisse aller. Il y en avait tellement dans le passé, tellement de souffrances, avec toutes sortes de petites choses. Cela ne vaut pas le coup. Oui, je ne comprends jamais cela, car je ne me fais jamais prendre par... Vous savez, les voitures, la conduite, les choses comme ça, je ne comprends jamais les gens, la rage au volant, le corps de souffrance, vous voyez? Oui. Je ne comprends jamais pourquoi les interactions avec les autres conducteurs peuvent vous rendre si fou. Non, je ne comprends pas non plus, mais pour beaucoup de gens, ils personnalisent la circulation. C'est une histoire d'ego. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, ils le voient comme une insulte personnelle envers eux, envers leur dignité, ou quoi vraiment que ce soit. Et bien sûr, ils personnalisent la circulation. C'est intéressant. Ils ne le feraient peut-être pas avec le temps. S'il grêle, quand il pleut, si la grêle ou la pluie frappe votre pare-brise, peut-être que vous ne seriez pas en colère. Mais si un conducteur vous coupe la route, alors vous vous énervez soudainement. Mais c'est la même chose, c'est juste un champ d'énergie qui survient sur votre route. Pourquoi le personnaliser? Je suis étonné de voir à quel point les gens souffrent du stress en roulant. Car si vous ne réagissez pas, il n'y a pas de stress si vous ne personnalisez pas les autres conducteurs. Oui. Comme s'ils avaient certains désaccords avec vous, ça n'a rien à voir avec ça. Avec vous, ils ne vous connaissent même pas. Si vous ne personnalisez pas les choses, il n'y a pas de stress. Ou vous êtes coincé dans les embouteillages, des gens sont si frustrés d'être coincés dans les embouteillages. Et cela peut être une merveilleuse méditation. Vous ne pouvez pas bouger, pourquoi ne pas être dans le corps, ressentir l'intense vie dans votre champ d'énergie, être là et en profiter. Et tous ceux qui écoutent ont tous été bloqués dans les embouteillages. Vous savez, après avoir lu ce livre, vous savez comme c'est ridicule d'être contrarié, d'être bloqué dans les embouteillages. Car il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer la situation, donc juste être avec. C'est une merveilleuse opportunité pour l'acceptation et l'abandon, et une merveilleuse opportunité pour voir le dysfonctionnement. Si vous observez que vous n'êtes pas dans l'acceptation et l'abandon, alors vous pouvez observer comment le dysfonctionnement survient. J'ai aimé la façon dont vous avez répondu à la question de Denise de Michigan. Vous dites que vous n'êtes pas parfait, et vous êtes entier. Oui, donc parfois les gens sur le chemin spirituel recherchent une sorte de perfection. Ils ont une image de comment un être humain évolué parfait se comporte. Et ensuite ils essaient de se conformer à cette image. Ça ne marche pas. C'est vraiment accepter vos propres limitations, accepter vos imperfections. Vous n'avez pas d'attachement? Je veux dire la façon dont vous avez même décrit votre corps. J'ai aimé la semaine dernière, vers la fin de notre émission, je vous ai demandé si vous aviez une quelconque peur de mourir. Et j'en ai parlé plus tard à des amis. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un à qui j'ai posé cette question, qui avait une telle détermination par rapport à ça. Je vous ai vraiment cru. Je vous ai vraiment cru quand vous disiez que vous n'aviez pas peur de la mort. Et vous n'avez pas d'attachement pour quoi que ce soit? Comme vivez-vous dans une belle maison? Aimez-vous les belles choses? Oui, j'aime les belles choses. Maintenant, pendant des années, j'ai vécu avec le minimum. Car pendant des années, je n'avais pas de travail régulier ou normal. Je donnais occasionnellement un peu d'aide psychologique et animais parfois des petits séminaires. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec très très peu et j'ai apprécié cela. Plus tard, j'ai réalisé, oh, j'ai dû vivre toutes ces années en dessous du seuil de pauvreté. Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je ne me voyais pas comme un pauvre. Je jouissais de chaque moment. Et ensuite, maintenant, j'ai une richesse relative, particulièrement en comparaison à cette époque. Et j'apprécie ça également. J'achète parfois de beaux meubles et j'aime ça. Vous aimez les beaux draps ? J'aime les beaux draps. Eh bien, je peux dormir dans n'importe quel... Mais j'aime les belles choses. Mais vous n'y êtes pas attaché ? Non. Non, je ne suis pas attaché. J'apprécie d'avoir de l'espace autour, de telle façon que vous n'avez pas à écouter le bruit des voisins. C'est assez bien. Peut-être qu'une des plus grandes choses que l'argent puisse acheter, c'est de l'espace autour de vous. Mais si vous n'en avez pas, et si vous devez vivre avec le bruit des voisins, c'est une belle opportunité pour s'abandonner, ou pour leur dire de la fermer. Avant de nous quitter, je voudrais vous parler d'une prochaine émission sur le Oprah Show. Voulez-vous résumer ? Je crois que vous l'avez fait globalement. Pour vous en libérer, perdez oui, une identification. C'est ça. Je suis vraiment très excitée par rapport au prochain chapitre, car le prochain chapitre est découvrir qui vous êtes véritablement. Et je dirais, amenez un ami à l'émission la semaine prochaine. Venez et amenez un ami, car même si vous n'avez pas lu le reste du livre, vous pouvez réellement commencer en page 185 avec découvrir qui vous êtes véritablement. Oui, je l'aime aussi. Oui. Oh, j'aime quand vous aimez. Ça va être très excitant. Donc, écoutez tous, je veux vous parler du prochain Oprah Show que nous ferons mercredi, une heure entière sur Nouvelle Terre. Mercredi prochain, dans mon émission télévisée, le 9 avril, aux États-Unis et au Canada, et dès que nous pourrons, pour le reste du monde, pour nous affilier à l'étranger, ceux d'entre vous, Moubena à Dubaï, nous parlerons à des gens qui ont eu des grandes et des petites transformations dans leur vie. Ce sera un moment puissant et quelque chose, je pense, que vous voudrez voir. Si vous avez essayé de parler à vos amis de cela ou aux gens dans votre famille, c'est l'émission qu'ils devraient regarder. Je veux vous encourager à partager cela et amener un ami à l'émission de la semaine prochaine pour découvrir qui vous êtes. Encore une fois, Eckhart et moi vous remercions de nous rejoindre de partout dans le monde. La sixième course sera disponible dès demain gratuitement sur oprah.com. Et si vous voulez télécharger ou revoir toutes les émissions, vous pouvez le faire également sur oprah.com et iTunes. C'est gratuit. Et nous aurons aussi en bonus des méditations audio lues par Kim Eng, l'ami Descartes. Vous pouvez les écouter sur votre ordinateur ou les télécharger et les emporter. N'oubliez pas de mettre à jour votre cahier. Préparez-vous pour le cours de la semaine prochaine. Découvrir qui vous êtes véritablement. Si vous n'êtes pas qui vous croyez être, donc qui êtes-vous ? Nous parlerons de cela et ce sera la semaine prochaine. Une fois encore, je vous remercie. Merci à tous. Merci, à la semaine prochaine. Bonne nuit.